Mon ami, ah, mes amis, ce soir c'est le réveillon. Ben oui. Une fois de plus, j'ai été appelé pour faire le bonheur autour de moi. L'année dernière, j'avais été dans un orphelinat. Que du bonheur, mes amis. Je crois que distribuer de la joie, c'est ma vraie vocation. Ah, cette visite de l'orphelinat de Budapest. Je m'en souviens comme si c'était hier. Bonjour les enfants! C'est les petits papas Helmut qui vient apporter des cadeaux aux enfants sages! Qui a été sage cette année? Hein? Allez, qui a été sage et veut un beau cadeau? Ah, si personne ne me parle, je vais repartir avec les beaux cadeaux! Vous allez me répondre, bande de merde ingrat! Vous croyez que je vais faire la distribution comme ça? Y a pas marqué UPS sur mon bonnet, alors va falloir faire quelques petits efforts, bordel de merde! Et quoi? Qu'est-ce qu'il a chialé? Oh! C'est Noël! Oh putain, ça me fait tousser! Sois heureux, petit con! Vous faites peur aux petits, monsieur Noël! Qu'est-ce que tu me veux, toi? Vous arrêtez crier, sinon enfin avoir peur! Mais enfin, on n'a pas peur du Père Noël quand on est un gamin! Merde, quand on est normal, en tout cas, on lui sourit, on est content! On lui répond gentiment pour avoir son cadeau! Mais enfin, pas parler français, monsieur Noël! C'est à se demander, je suis bien d'accord avec vous! Bon, je vais pas me faire chier, moi, je vais balancer les cadeaux dans un coin, et ils se démerdent tout seuls, les mioches! Ça, bonne idée, monsieur Noël. En fait, Tatiana. Moi, pas Tatiana, moi, Natacha. Bon, c'est pareil, la Moldave, on va pas faire dans le détail. Tu sais que j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, vous très gentil. Quoi, ça aide, le cadeau? Allez, viens avec moi, Vizotka. Je vais te donner ça à l'abri des regards. Mais je comprends pas, il y a plus cadeau dans Grosse Hotte à toi. Ah, laisse-moi tranquille, on va parler de la tienne. Allez, viens là, la Moudjik. Quel beau souvenir, mon Christophe. Quel beau souvenir. Bon, je vous laisse. Je ne vous le cacherai pas. J'ai une grosse dinde à fourrer. Allez, joyeux Noël et au revoir.